que a Dios lo de tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur, vous m'entonnez. Bien sûr, on marche sur les fleurs. Tellement qu'on n'est plus étonné.